Un petit dégoût d'une grande force aussi de l'alliance. Mais c'est là pour ça pour l'autofinancer. Et un peu comme si ta carte demande ses 12 $ par année, c'est un peu plus mal. Les gens peuvent écrire dedans, dire des choses, parler de solutionnement par l'extérieur, n'importe quoi le journal fait à ce moment. Bon, on peut décider qu'est-ce que la race. Faut faire attention avec certains mots. Normalement, la race est mis le centre d'énergie qui peut être localisé au centre de la planète, qui peut être localisé au centre d'un phénomène grégorien, et qui aussi symbolise, qui utilise souvent le centre d'énergie du temps de l'homme. Bon, vous êtes assujetti, une personne qui nous aide, parce qu'elle vous voit. Vous êtes assujetti à notre émotion. C'est pour ça que vous avez des conférences. Serez-vous toujours assujetti aux autres hommes? Je ne donne pas des conférences, je suis assujetti à l'émotion de l'homme. C'est autre chose, ça peut être similaire, mais c'est tout ça. Mais je ne serai pas toujours assujetti aux hommes, par contre, je serai toujours assujetti à l'esprit des hommes. Les univers ont été exposés à des radiations électromagnétiques qui paraissent régulièrement dans des mondes parallèles. Les radiations étaient nucléaires et temporelles. Les militaires ont été exposés à des rayonnements vitaux, telluriques végétaliens, que l'on retrouve dans certaines régions de la planète. Et il y a eu des expériences qui ont été faites par un déployé et un sous-marin nucléaire dans la région du triangle des Bermudes. Oh. Alors, ils paraissent régulièrement se ramasser dans des mondes parallèles. La radiation nucléaire a-t-elle le même effet? Non. Si on ne supporte pas les coups de soleil, comment supporter le nucléaire? C'est pas un problème. Il y a plein de régions raison que l'énergie solaire est une radiation négative qu'on appelle chantage. À part évidemment de bien le soleil et tout comme ça. Mais quand on parle de radiation, c'est le cancer. La radiation, une personne qui est totalement exposée à l'énergie radiante, elle n'a pas à s'en faire si sa vibration de conscience est à un niveau particulièrement mental ou supramental. Ou bien si elle est reliée à l'égrégore, qui échappe un peu à la contrainte solaire, comme les personnes qui n'ont rien subi en plein centre de Nagasaki ou de Hiroshima lors des explosions nucléaires. Quand vous parlez d'astral, vous donnez des cours par correspondance à l'humanité. C'est un peu ça. Ces cours sont insuffisants et sinon, pourquoi? Ces cours ne sont pas suffisants. Par contre, ils sont, disons, ajustés pour être faits présentement. Il y a d'autres personnes qui inscrivent l'astral, il y a évidemment un bon gestuel. Chaque fois que vous êtes en maudit contre quelque chose, inscrivez l'astral. Chaque fois que vous faites quelque chose de brillant, inscrivez l'astral. Et d'autres personnes sont en train de le faire. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que c'est suffisant dans le temps. Mais ce n'est pas suffisant à présent pour tout régler. Par contre, c'est dans l'avenir que les choses seront suffisantes pour tout régler. Est-ce parce que c'est moins énergétique que j'ai dit aux conférences? Non, parce que l'astral accède aux conférences. Il paye pas. Je me demande pourquoi j'ai payé 12 $ pour entendre une publicité de justification de l'existence de l'organisation du centre de l'universalité. C'est une interrogation personnelle de la tranchée d'Ariel. Bon. La personne a payé 12 $ pour témoigner les faits. Lorsque une personne va voir un médecin et que je demande au médecin, j'ai mal aux dents. Le médecin dit, prenez ça, ça va vous aider. Hé, hey, la crise de publicité, regarde d'abord. Correct, c'est plus rien. C'est bien logique. Voilà. Est-ce que l'individu peut donner des plans ou des idées pertinentes ou non à l'administration du temps? C'est bien, oui. La politique de transformation de la puissance en pouvoir. Est-ce que la politique ou transformation de la puissance en pouvoir? La politique, c'est la transformation du pouvoir en puissance ou de la puissance en pouvoir dépendant de ceux qui sont dedans. Car la légalisation est en marche sans reconnaître le degré d'avancement. Je commence. Bon, le problème est que personne ne devrait apprendre à poser des questions et non pas simplement faire des commentaires à moitié dans ce qu'elle pense. Quand la légalisation est en marche sans reconnaître le degré d'avancement, comment? Je n'ai rien commenté pour reposer la question plus clairement. Parle que les personnes qui font le PNC doivent s'allier. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes pensent qu'on se voit c'est quoi approchable? Sans doute parce que ceux qui ne les approchent pas ne sont pas tous approchables. Il y a toujours une glace qui doit être brisée. Demandez-moi la glace qui va calmer. Einstein parlait toujours de gros fantômes, effectivement, oui. D'une part, parce qu'il ne savait pas attacher ses lacets. Et parce qu'il savait qu'il avec vous au travers de la matière, qu'elle n'est que de l'énergie. Sera-t-il possible un jour de traverser la matière? On ne traverse pas la matière. La matière, c'est un concept illusoire. Il est là où il y a une conception identifiée dans le temps et dans l'espace de l'énergie, ce qui permet à ce qui est dans, ce qui est comme elle, de conserver l'illusion qu'elle est là. Un jour, l'être humain pourra passer visuellement à travers la matière, dans le monde de celui qui traverse. Il n'y aura pas de mur, ou de sol, ou de plafond, mais dans le monde de ceux qui regarderont, il y aura des choses, et donc lui-même dira, lui traverse les mains de la matière. En réalité, il ne traîne pas ça simplement. Vous savez, en fait, il existe même pas dans les petites choses. Pourquoi êtes-vous aux hommes qui, de s'indiquer et de son collier de le faire ou non? Si c'est le temps qui décide du moment et non eux. Et vous. L'humain reste toujours, ça c'est très bon, ça. Aujourd'hui, de l'affaire et de la comment le non-hasard ou la destinée peut-il exister dans un monde qui est l'élève du hasard? C'est contradictoire. Effectivement, c'est contradictoire, mais Dieu connaît pas dans un monde qui est l'élève du hasard, il n'y a aucun problème de contradiction, il n'y a aucun hasard. La seule chose qui ressemble à ça, c'est l'hasard, et c'est le savoir. Mais on va revenir. Quand tous les hommes seront nouveaux, donc ils seront les débarrassés, automatiquement, ils ne l'auront plus. Comment conduire cette apparente contradiction? Qui place pour un conférencier souvent de passer son temps avec cette émission du foyer même. Le livre en fait existe dans une collectivité. Il n'existe pas dans l'individu. Quand plus les hommes nouveaux seront nouveaux, donc ils auront le libre. Ils n'auront pas le libre individuellement, ils l'auront collectivement. Mais si tu te prends dans une maison, et que tous les hommes nouveaux sont là, pensent qu'il faut l'éteindre. Qui ont juste un libre-arbitre, parce que tout le monde pense qu'il faut l'éteindre. Il y en a un qui pense qu'il faut le laisser brûler, l'autre qui pense qu'il faut jamais le toucher, l'autre qui pense qu'il est émission de télévision, l'autre qui pense qu'il faut l'éteindre. Il y a un problème. Collectivement, l'intelligence fait en sorte que l'intelligence s'exprime. Quand l'intelligence s'exprime, on ne s'abstine pas à savoir si rien ou pas. Quand on voit la condition intelligente et que les autres sont nouveaux, ils ont aussi la même condition intelligente. Il fait qu'on l'applique. Donc, on a les arbitres parce que tout le monde pense de la même façon. Hein? Donc, nous n'aurons plus que les arbitres à l'échelle, nous en aurons un, comment continuer cette apparente contradiction. Et on a les arbitres parce que lorsqu'il pleut, tout le monde met son corps et faire appui, c'est parfait. Lorsqu'il neige, tout le monde pèse, c'est parfait. C'est lorsqu'il neige, qu'il y a un qui pèse, que ben, c'est deux en entier parce que l'autre est paresseux, ça ne marche plus. Alors là, le arbitre n'existe pas dans l'individu parce qu'il n'existe pas collectivement. Donc, le libre arbitre existe collectivement, il existe pour l'individu, parce que l'individu est dans cette collectivité. À l'instant où l'individu veut quitter la collectivité, il devient nécessairement associé à une problématique de libre arbitre. Pour ajouter la parole, il faut parler, mais pas trop. Qu'est-ce qu'il faut dire ou ne pas dire? Je ne comprends pas. C'est ce que vous avez à dire. La vie vous expliquera qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Dans un couple, quelle est la nuance entre individu individuel et deux individus individualistes? J'ai souvent l'impression de fonctionner entre ces deux mécanismes et j'y perds la raison intelligente de former un couple. C'est pour la liaison de deux individus fonctionnant individuellement au nom d'un autre maître. Être individuel dans ta conscience, ça veut dire que lorsque j'ai goûté à quelque chose, on va le faire. Être individualiste, ça veut dire que lorsque j'ai goûté à quelque chose, on va le faire. Être individuel dans sa conscience, ça veut dire que lorsque j'ai le goût de faire une chose, je vais le faire, à la condition qu'écologiquement, je ne lui pas la légalité réelle des formes écologiques. Ça fait violer l'autre, je l'ai violé. Si l'autre se suicide, qu'est-ce que je dis? Mais si je dois voler quelqu'un, si je dois inconsciemment manipuler l'individu, je dois que je vis. Je pense. Être individualiste, ça veut dire que je me fous royalement de l'autre, qui a suicidé, qui suicide. Si tu vas voler un char, voler un char, si tu vois être individualiste, ça veut dire que l'humain essaye de profiter de toute la collectivité en essayant de faire rien donner à la collectivité. C'est ça l'individualiste. La personne dans une classe est individualiste quand elle veut quelque chose à la fin, c'est un patron en or, c'est un rocher. Individualiste. C'est ça être individualiste. Être individuel dans sa conscience, ça veut dire qu'on se forme nous-mêmes nos propres idées. Ça veut dire qu'on ne se forme, on ne se laisse pas influencer par le raisonnement émotif des autres. Ça veut dire que si quelqu'un nous amène quelque chose, on pense mentalement ou logiquement pour voir ça a de l'allure. Mais pas! C'est la personne qui parle comme ça. Mais il y en a qui c'est le temps et la lourde ou l'autorité de quelqu'un. Si c'est un quelqu'un qui suit, c'est correct. Tant pis. Par contre, si c'est une personne gênée, tout bien sûr qui monte en haut, qui a l'air plus gêné, qui dit quelque chose, ça va pas tard, c'est évident. Pensez à être collectif. La majorité des personnes individualistes sont collectives. Les personnes individuelles à la conscience ne peuvent pas être collectivisées. Par contre, ils travailleront pareil en groupe ou en collectivité. Mais eux restent individuels. Dans un groupe, être individualiste, cela veut dire en termes bien propres ce qui est d'autre. Être individuel à sa conscience, cela veut dire qu'on ne pourra pas se laisser manipuler par l'autre. L'autre ne pourra pas servir de déchet de la salle pour lui changer. On a une conscience individuelle. C'est la même chose dans les sociétés et un peu partout où on veut aller. Le phénomène de la politique, ce qui n'est pas pour expliquer l'idée du centre de l'universalité, c'est important que les individus qui sont ici, regardez comment c'est con souvent. On va quelque part et on explique une mécanicité intelligente. Alors, la première chose que les gens disent, quoi, c'est tout brillant, qu'est-ce que vous faites ça? Alors, j'explique que c'est ce qu'on fait. Et puis là, on n'a pas les commentaires, c'est ce qu'on fait. Ce n'est pas une nudité parce que la personne est nouvelle en conférence du mois, le monde qui sont équitables déjà, de temps en temps, c'est important d'expliquer. Le centre de l'universalité, c'est pas juste là pour se foutre des gens, ramasser de l'argent sur leur dos, en essayant de les intéresser à une espèce de cours, puis quand ils n'intéressent plus, ben, ils que le gars, on s'en fout. Pourquoi on rembourse intégralement les personnes qui ne sont pas satisfaites? C'est parce que l'humain passe avant la matière financière. Mais en même temps, si on veut arriver à s'offrir quelque chose, de correct, d'orchestré, qui ne pourra pas être démoli par les structures extérieures, à l'évolution consciente mentale de l'homme, et bien nécessairement, on doit jouer avec le jeu des sociétés déjà établies. À quoi sert les quatre modifications eau, air, terre et feu? La cellularisation, elle n'est pas obligatoire au niveau du PNC. Pourquoi de temps en temps on la pousse et on en parle? C'est parce que les individus doivent comprendre. Il y a des personnes qui ont fait le PNC et qui avaient des maladies incurables et qui ont été guéries. Il y en a qui étaient minces et qui ont gonflé. Il y en a qui étaient grosses et qui ont maigri. Il y en a qui avaient des problèmes de sommeil et qui l'ont réglé. Il y en a même une qui était possédée régulièrement, qui faisait violer la représentation de cette violée physiquement une fois par mois, et c'est réglé. La seule différence qu'il y a entre ceux pour qui ça marche très peu ou marche pas partout, et ceux qui ont des résultats fabuleux, c'est qu'il y en a qui, inconsciemment ou consciemment, ont fini par cellulariser les choses. Alors, vous allez une technique à un individu pour que ça aille chez lui du content par des rangs de gaz, c'est très intéressant. L'individu doit aussi s'organiser pour que la technique lui serve à l'extérieur et lui serve continuellement, sans qu'elle ait à y penser que ça doit servir. Ce qu'on appelle cellulariser. Dans l'Antiquité, on avait l'air, la terre, l'eau, le feu au niveau de l'éducation. Et effectivement, l'éducation au niveau de la cellularisation serait faite. Bon, élaborer complètement là-dessus, j'ai d'autres choses à changer. Peut-être qu'on pourrait y aller au niveau de la conférence. Mais la première initiation, on peut appeler celle-là celle de l'air. L'initiation de l'air est l'initiation la plus facile. Le degré contraint le plus bas. Qui permet à l'ego, aux forces astrales, d'être instruit de l'intelligence d'une chose. C'est la première initiation traditionnelle. On voit de l'air, on part. On instruit les forces astrales, le long de la mort, dans l'atmosphère. On s'instruit égoïquement. Lorsque nous pensons à la densification, certains vont dire l'eau, d'autres la terre, ça n'a pas d'importance. Lorsque je me pense à l'initiation de l'eau, c'est exactement comme si, vitalement, il acceptait de purifier son corps. C'est une initiation qui permet, au degré de contrainte du corps vital, de se désassocier un peu plus de l'idiotie et de l'idiocratie de l'ego. L'individu qui parle de cette initiation commence à livrer au niveau de son plan vital le phénomène qu'elle essaie d'intégrer chez elle, l'initiation. Donc, on initie un voyage astral à une descente aux enfers, ce qu'on appelle aussi en termes, disons, québécois, cellularisation, le terme est ajusté, transmettre dans la génétique l'évolution de l'individu. La Terre, c'est exactement la finalisation cellularisatrice. Lorsque la matière a maintenant été initiée, lorsque la matière intègre complètement le phénomène, l'initiation de la Terre est terminée. C'est ce qu'on appelle la cellularisation. Au niveau du feu, cette initiation traditionnelle, c'est lorsque l'individu a ses corps matériels bien construits, et c'est lorsqu'il arrive convenablement à pouvoir porter une conscience fondamentale et de l'intelligence. Pour cela, les corps peuvent brûler, mais normalement, lorsque la personne a commencé par les trois autres cas d'initiatives, les corps ne brûlent pas ou ne peuvent plus brûler. L'initiation par le feu, c'est cela. L'initiation par le feu, c'est la grosse initiation au niveau des traditions. Je n'emploie pas souvent ces mots. Initiation solaire et initiation par le feu. Elles sont attachées à des mémoires du passé, à des égrégores qui peuvent empêcher certains humains de comprendre des choses ou qui peuvent constituer la démarche. Alors on peut appeler l'initiation des processus de guérison. Une personne qui est malade doit commencer par avoir l'initiation de l'air, c'est-à-dire qu'elle doit faire confiance au médecin, doit faire confiance qu'elle peut guérir. Elle doit par la suite se placer dans un état, disons, biologiquement énergétique pour pouvoir guérir. Initiation de l'eau. Elle doit prendre des médicaments. Initiation dans la terre, la matière. Et l'initiation solaire, elle risque de ne pas le voir, mais ce sera la guérison. Parce que là, il n'y a pas de problème parce que ce sont des initiations véridiques. On peut prendre le terme spirituel ou ésotérique de l'initiation, mais aussi on peut aussi prendre le terme plus biologique, plus scientifique, plus atomé, celui de cellularisation. L'ADN du code génétique est soutenu, il y a quatre protéines soutenues sur des sucres. Chaque fois qu'une protéine change de place, le corps physique change de forme. Si c'est une structure adhérée cellulaire, c'est la cellule qui devra changer de quelque chose. Cela peut engendrer un cancer, cela peut engendrer une mutation récessive, ne paraîtra pas. Lorsque l'individu, par répétition programmatique d'un phénomène, finit par obliger le code adhérique à se transformer, la mémoire de cette programmation est maintenant cellulaire. C'est-à-dire que l'individu n'a plus besoin de pratiquer une technique, de se rappeler ou de penser quelque chose pour que cela advienne. Le corps le sait, nécessairement les énergies qui s'expriment par le corps devront être modifiées en fonction de cette cellularisation, donc le corps l'exprimera tant que l'individu aille être porté pour que cela s'exprime. Lorsque l'énergie devient, lorsque la cellularisation est suffisamment complétée, l'initiation par le feu commence. C'est-à-dire que l'énergie que chaque atome du corps physique commence à accumuler de l'énergie. Énergie fondamentale, on l'appelle énergie solaire traditionnellement, parce qu'elle fait référence à l'énergie radioactive provenant des forces mentales qui sont régies par les phénomènes de solaires, les systèmes solaires des contingents planétaires. La matière, l'énergie vitale planétaire, l'énergie astrale, l'énergie mentale au niveau du système solaire, l'énergie supplémentaire exprimée par l'énergie galactique, l'énergie bouddhique, extra-super universelle exprimée par l'énergie universelle, l'énergie divine réactionnelle exprimée par l'énergie des super-univers. Donc, l'initiation solaire réelle apparaît lorsque l'individu arrive à rayonner quelque chose. Maintenant, on peut appeler l'initiation solaire, par le peu, certains paliers différents de l'initiation. Projeter à l'extérieur de soi l'ancien, c'est évidemment l'initiation solaire. Sauf que c'est une initiation solaire de premier degré, de premier niveau, de premier ordre. Mais l'initiation solaire de l'homme nouveau, c'est l'intériorisation de son corps physique, donc des créations matérielles de son désir et dissolution de son corps physique. Le libre arbitre n'existe, si le libre arbitre n'existe même pas dans les petites choses, pourquoi êtes-vous hommes de s'impliquer s'ils ne sont pas libres de le faire ou non? Si c'est le temps qui nécessite du moment et non eux. Pouvons-nous accélérer l'évolution? Non. À quoi sert de faire le PLC? À rien. Pouvons-nous ralentir en évolution? Non. Alors, si on ne fait pas le PLC, on ne ralentit pas. Exact. À quoi ça sert de cette parole? Ça va-t-il accélérer? Non. Ça va-t-il ralentir? Non. Ça nous va le faire? Ça va-t-il ralentir? Non. Je vais aller à ce dimanche, celui-ci? Non. Ça accélère-t-il? Non. Rencontrer un maître ou un dieu, ça va te aider? Non. Continuer? Non. À quoi ça sert de faire? À rien. fait quoi? On continue à faire ce qu'on fait. À cause de l'implantation de l'orgueil et de l'ego dans l'âme de l'homme, l'homme reste toujours encarcanisé dans l'illusion qu'il a un libre arbitre et qu'il a la possibilité de décider. C'est pourquoi lorsqu'il dit qu'il n'y a rien à faire ni pour avancer ni pour retarder, l'homme reste convaincu que s'il ne peut rien à faire, autrement dit, s'il ne peut pas prendre de décision, blocage de la pensée, court-circuit. Manger une pomme, est-ce que ça l'aide? Ou manger trois fois par jour, est-ce que ça l'aide à la vie? Non. Ne pas manger, est-ce que ça l'aide à la vie? Non. Et là, vous me dites, moi, en tout cas, je trouve que quand j'en mange pas, j'ai faim, je me sens faible. Eh oui. C'est parce que c'est ça qui doit être. Si quand je mange, il me semble que ça va mieux, quoi. Mais tu manges pas pour aller mieux. Tu manges parce que maintenant tu manges. Parce que c'est ça que tu manges. Et il y a des choses que l'être humain doit arriver à saisir. C'est une subtilité, subtile. Quand ça va être saisi par les neurones de l'homme, il y a une grosse liberté qui va apparaître dans la limitation de liberté, dans la conscience de l'homme. Tout ce que l'homme fait doit être fait. Si une personne va à l'église, ça n'avance pas son évolution, ça ne la retarde pas, ça fait partie de son évolution. Ça fait partie de son chemin. Tourne à droite ou à gauche, est-ce que tu travailles, tôt ou reste, si tu restes, c'est ça que tu devais faire. Tourne à droite, c'est ça que tu devais faire. Tourne à gauche, c'est ça que tu devais faire. Par comparaison, tu vas dire, hey, tu ne seras pas tourné à droite, j'aurais été plus lentement. Par comparaison. Mais en réalité, non. La preuve, tu vas tourner à droite. Dès que tu fais le PFC, vas-tu plus vite? Non. Vas-tu plus lentement? Non. Donc, si je ne l'aurais pas fait, si je n'aurais rien changé, j'aurais la moitié plus lentement. C'est faux. La preuve, tu dois faire. Personne qui ne le fait pas va dire, moi je ne le fais pas, puis j'avance plus vite que les autres. Elle n'avance pas aussi vite que les autres. Elle avance au rythme où elle peut et où elle doit avancer dans le chemin qui lui est propre. Ce n'est jamais un choix ou une décision de faire ou de ne pas faire. On fait lorsque c'est le temps. Ça n'accélère pas, ça ne relance pas, ça fait partie du temps. Et on ne le fait pas lorsque ce n'est pas le temps. Ça ne change rien. C'est que cela fait partie du temps. Donc, lorsque une personne parle de quelque chose, on va dire que ça ne sert à rien qu'elle en parle, ça doit être fait, ça va se faire. Et on n'a rien compris. Lorsque la personne parle d'une chose, c'est que c'est le temps du début d'une chose. Elle en parle et c'est le temps qu'on en parle. Cela permet l'initiation par l'air de l'homme. Cela permet de préparer les terrains. Cela permet de préparer l'ego à ne pas vivre le choc d'un changement subi qui apparemment ne vient nulle part. L'information qu'on peut faire quand même. Sauf qu'on en parle ou on l'instruit ou on propagandise, dépendant de tout ce qui se fait sur la scène de terre, pour permettre à l'ego d'être instruit et pour permettre aux dieux d'être instruit. C'est beau de dire à une personne qu'une plante va pousser devant sa peau, qu'elle est dans un grève. Un individu qui ne connaît plus de plante et qui, à un moment donné, avoir poussé une dans sa peau, peut avoir un autre choc. Ah, ça n'est juste plus, il n'y a aucun problème. Mais lorsque vous verrez quelqu'un marcher sur les autres et que vous n'aurez jamais été préparé, ça sera des chocs. À un moment donné, énergiquement, l'humain sera allié en force. J'en parle pas. En parlant, il y a fait des petits choses. Parce que vous n'aviez pas le choix d'être ailleurs. Et celui qui décide de s'en aller n'a pas le choix de décider de s'en aller. Et celui qui décide de rester n'a pas le choix. L'inaction, la perception, perception d'un événement et il identifie à sa conscience les arbitraires pour profiter du reste. Ne reste pas. Ne pas s'en aller. Et celui qu'on voit et qu'on laisse son sort, eh bien, il dit, je sors. Cela permet à l'ego de l'homme de supporter. Il y a une nuance entre faire et accomplir. Parce que l'homme perçoit ce qui lui arrive, orgueilleusement, il ne veut pas admettre que ce n'est pas lui qui décide, alors nécessairement, il décide. C'est comme le météorologue qui veut combler la santé cartule. Il voit du nuage, alors il décide. Il ne voit plus, alors il décide, il voit le moral. Il lui donne. Quand il neige, il décide qu'il neige. Et après des milliers d'années de ce genre de jeu, quand on lui dit qu'il n'y a pas de débarquer, il va dire « Voilà, alors regarde, allez, là, vous voulez voulu !» Les nuages passent devant, « Voilà, c'est mes nuages !» Je vais m'en faire ici !»« Oh, mes nuages, je veux pas !»« Quand vous voulez tourner !» Débarquer total, ça revient. Mais oui. Quand j'ai dit qu'il n'y a pas de débarquer de chanteuse, c'est quelque chose de bon, mais qu'est-ce que je fais? Ah si, il n'y a pas de débarquer, il faut que pas question qu'il ne fasse pas rien. L'homme n'est même pas capable de décider quand il lève un bras, quand il lève un doigt, quand il va aux toilettes, quand il fait. Il n'est même pas capable de décider quand il va être nu. Il n'est même pas capable de décider quand il va avoir faim ou quand il va avoir envie. Il n'est pas capable de décider quand il va avoir sommeil ou quand il va être en forme. Il n'est pas capable de rien décider, et même si c'est ça, il est convaincu qu'il décide. Vraiment, j'en compte quelqu'un, elle me dit, au bout, je laisse ça tout au bout, c'est plus fort que moi. C'est ça, donc bravo, bravo. C'est plus fort que quoi? C'est un invétéré. Elle est trop élevée, c'est pas de manipulation. Qui boit, t'aime pas ça, c'est fort que toi. La chose dans toi aime ça. Comment pouvez-vous poser prétendre? J'aime ça, c'est fort que moi. Et si plus fort que je, comment je pensais d'aimer ça? Ça n'a aucun sens. Vous voyez, j'ai décidé que j'ai trop de lumière. On en a plus. Parce qu'il y en a qui disent qu'il y avait une autre. La question est bonne. Le débarquer n'existe toujours pas. Mais lorsque l'être humain perçoit à l'extérieur, il pense que c'est lui qui met le pouvoir. Et tant que l'être humain est convaincu qu'on est débarquer, il va dire, bon, mais là, lorsqu'il ne peut pas choisir, je ne peux plus, je ne peux pas. Mais je ne peux pas choisir maintenant. Votre choix fait partie de l'obligation de choisir, parce que là fait partie de l'obligation de l'ego de supporter l'événement. Alors, décidez quelque chose, mais sachez que votre choix est pour vous l'effet. Ouais. Chien, et parce que chien est compliqué par l'ego, qui veut comprendre mieux, de façon à avoir une partie de possibilité de salut. C'est compliqué par son refus de voir. L'homme décide qu'il mange quand le corps décide que l'homme va décider qu'il mange. Et la personne qui a entendu ça va dire non, moi mon corps décide que je mange, mais je mange pas. Réaction à ce qu'il dit. Donc, on va pas lui décider. Et c'est normal, il doit faire ce qu'il fait. Parce que l'homme orgueilleux, investi d'une force plus supérieure, investi d'une force anti-homme cosmique, manipulé par des contingences extérieures collectivisées animalières, que l'homme dit que l'homme, et parce que l'homme veut absolument être le maître, parce que l'homme est le maître, l'homme cosmique, pas l'homme planétaire, parce que l'homme planétaire est attiré sur l'homme cosmique, l'homme planétaire veut être le maître, et parce qu'il veut être le maître, génétiquement, c'est l'âme de l'homme, il transmet les jours. Alors, certainement, ce qui se passe, le décès de l'individu. Quand vous dites, bon, j'ai manqué mon métro, ben je vais attendre là. Une seule action si l'on veut, dans le contexte actuel de mémoire, l'apparition de l'Ivan. Le reste en découle. Si le reste en découle, cela veut dire qu'il n'y a pas de libre arbitre. Mais il y a la perception des événements et l'identification dans ces événements par les autres de lui-même. Alors l'homme parle du libre arbitre, alors l'homme y agit. Non. Non. Si Adolf Hitler en fait ce qu'il devait faire, il devait le faire. Sinon, il n'aurait pas pu le faire. Que les humains allemands ont suivi. Tout le monde s'est fait la conférence, tout le monde vibrait. Les alliés, la moitié des alliés vibraient, les Japon ont accepté, il y a eu d'autres alliés. Mais oui, le monde de son choix. Le monde de son choix. Mais oui, même les Juifs ont fait leur choix. Personne ne faisait de choix, tout le monde s'accomplissait. Se libérer de cette idée-là, une autre dirigeant, existe. Être le véhicule qui a conduit les choses, c'est faux. L'homme doit être contre le maître, c'est un fait. Parce que les jours, l'homme cosmique devra être le boss. Et lui aura un démarré. Maintenant, l'homme planétaire, l'homme télétrique, l'homme égoïsé, l'homme psychologique, c'est attribué à l'homme cosmique qui le manipule par le biais d'une partie de la vie très basse, de l'énergie d'esprit, le plan fondamental, qui arrive de par sa hauteur relative aux conditions planétaires, à maintenir le plan mental, le plan génétique, le plan déclinien, le plan astral, le plan physique, le plan vital, cela terrestre. Il faut que la partie de l'homme terrestre ne souffre pas trop. On y laisse l'illusion de croire qu'il a des enfants. Autrement dit, chaque fois que l'homme doit avancer un pas, avant qu'il doit faire ce pas, on l'induit qu'il va faire le pas. C'est maintenant ce qui passe. Comme je parle de politique, il l'instruit avant que ça arrive. Ça permet à l'individu de pouvoir continuer à supporter son ego maintenant. Bon, ben moi je pense que ça veut bien va rentrer là-dedans. Ça va rentrer pareil. Sauf que c'est moins. Tu prends ton ego, on l'avertit avant, on lui fait les gens, on lui donne la position, on lui dit ok, j'y vais, juste au moment où tu veux, c'est ça qu'on avance. Là, tu te dis, toute la planète Terre politiquement utilisée par ce même phénomène. L'astral avertit et l'astral prépare et l'astral force les humains à penser que c'est eux qui agissent. Et par la suite, pour que l'humain ne devienne pas courriel, elle leur donne de la marge parce qu'ils ont obéi. C'est tout ce que je dis. À un moment donné, John Kennedy se fait tirer par le militaire de sa fille qui va. Le John Kennedy se dit, le militaire est même plus. Ça marche, les militaires vont avoir le haut. Ça ne marche pas, c'est le gouvernement américain. Manipulé par les forces armées, ça ne marche pas, le président marche de la marche. L'homme est manipulé par les choses, il faut l'attendre à la suite, il faut qu'il y ait trop d'égo, il faut qu'il y ait trop d'égo, il faut non plus qu'il y ait des qualités qu'on a envers, il faut qu'il y ait des on lui fait faire une chose essentielle à un plan, mais on lui fait voir le petit plan, il va faire la chose pour ça, et après ça, le plan tombe, il voit l'autre plan, il pense que c'est la marge qu'il vient faire, et qu'il va venir le social. On aurait dû plus loin. Votre conscience dépend de vous, mais l'action que vous allez porter dans le contexte terrestre dépend de la Terre, dépend de l'humanité, dépend du monde astral, dépend de l'esprit. Pourquoi je dis que lorsque l'homme engendre un phénomène politique, nécessairement, il fait une marge de malheur. Chaque fois que l'homme accomplit quelque chose, il est manipulé. Et je ne vous demande pas de toujours être attentif à ces manipulations. Donc, c'est malgré ça, ça va vous montrer donc manipulé, à compléter les objets. Donc, je pense à ça, ça va manipuler. Donc, c'est sûr que l'homme, si vous m'améliorez ça, parce que vous avez besoin, c'est pour ça que vous faites. L'homme est au vachement manipulé. Sachez-le! Pour que quand vous souffrez de l'indiscipabilité, quand vous souffrez d'un choix à prendre, quand vous souffrez de l'hésitation décisionnelle, sachez que de toute façon, vous devrez accomplir une chose. Faites une chose. La pire affaire, c'est pas de prendre une mauvaise décision, c'est de ne pas être capable d'en prendre. Mais encore là, si vous ne pouvez pas en prendre, c'est parce que vous faites partie des humains qui allaient vivre. Et il faut des humains pour vivre. Je répète que l'individu qui n'a pas de côté mental, qui se met dans l'astral, n'a aucune importance au niveau évolutif. l'orgueil pour essayer de remplacer l'autorité ou d'être plus important. Le gars au latin qui prend au sérieux et qui finit par en aller utiliser son calibre parce que je dis cela et qui s'en va ailleurs, ça l'empêchera pas d'avoir un accident, de se faire tuer, de se faire gérer, de se faire attaquer, de faire tout ce que vous voulez. L'individu qui apparemment n'y arrive rien, il peut avoir son but. Je pense que la vie est plus. Il y a. Et j'ai dit au PMC Plus que le problème dans les forces manipulatrices astrales était de faire en sorte que l'idée comprenne émotivement ce que je dis, plutôt que d'en voir intelligent. Comprenez émotivement et que ça arrive rapidement les choses, et le voyez mentalement et faire appliquer les choses. À partir de ce PMC Plus, je veux donner plus de choses. Et tant que les humains se réveillent au niveau des forces occultes qui manipulent le monde, et il est temps aussi que certains individus comprennent l'intelligence de faire certaines choses. Là, Québec, l'individu comme le collectif a des choses à accomplir. Mais individuellement, il n'a rien à faire. Tant qu'il est dans la collectivité. Comprenez que la tentative, c'est se mettre disponible. Vous ne comprenez pas tout. Vous ne savez pas tout, mais alors si vous voyez qu'il connaît le savoir, il y a rien. Si nous disons, exemple, dans l'explosion de certains phénomènes de la nuit, X nombre d'individus ouvrent parce que c'est calculé d'une façon mentale ou mathématique que si un certain nombre d'individus meurent, cela va créer un stress planétaire dans ceux qui vont rester, qui va engendrer une nourriture parfaite sur le monde de la mort. Donc, évidemment, on doit y en rester quelques-uns sur la planète Terre, et ils vont mourir d'autres. Qui doit mourir? Ce n'est pas déterminé. Être disponible, c'est être disponible à être au bon moment, dans le bon temps. C'est ça, être disponible. Alors, la personne va dire, oui, mais rien qui dit que moi, je dois, il y a rien, effectivement, qui dit que toi, tu vas faire quoi que toi. Par contre, je sais et je dis qu'il y aura des humains qui devront supporter des fardeaux et d'autres qui devront aider par la suite. Et on ne se vote pas. On doit comprendre mentalement la vie qualitative et gère politiquement la planète. Dans le monde de la mort, dans le ciel et dans le monde de la terre. Comprenant cela, on risque de notre affaire se placer là où doit être placé ceux qui auront à rester. Ce n'est pas en suivant la vieille terre ou en suivant d'autres personnes, mais en comprenant. Moi, je ne dirai jamais à qui que ce soit où il doit aller. Un jour, moi, je vais plus mon temps, plus humain. Quand la personne ne marche, quand je m'en rends, il n'y aura plus de vieille terre. Sachez que les autres s'en viennent, sont en train d'en être. Oui, mais où on doit aller? Rentrez-vous. Alors, à un moment donné, il y a un paquet d'individus, il y en a 8 qui dorment, il y en a 8 qui sont réveillés. Il y en faut 8 pour faire quelque chose. Alors, l'intelligence parle. Ben, il faut réveiller 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9 qui est réveillé. Prends celui-là, celui-là, celui-là, celui-là, celui-là, celui-là, puis on fait quelque chose. Après ça, il y a des qui rentrent les autres, oui. Être disponible, ça veut pas dire être inquiet. Être inquiet, ça veut dire être occupé. Ça veut simplement se placer, plus vous allez comprendre l'intelligence de certaines choses, et plus vous aurez la puissance mentale de les accomplir, plus vous vous placerez comme disponible. Les choses dans l'avenir devront changer. L'homme et la femme qui veut changer ces choses est sur une voie de disponibilité. L'homme et la femme qui apprend à avoir la patience d'attendre que les gens viennent, jamais l'intelligence ne va chercher quelqu'un qui ne comprend rien et si quelqu'un qui peut comprendre, jamais. Et quelqu'un va dire, oui, je ne comprends pas tout, je comprends tout du jeu, du mal. Tu es capable de mobiliser tes plans intérieurs, mais c'est ton corps. Ton corps astral, ton corps vital, ton corps mental, de façon à essayer de voir. Pas de diriger, mais de voir. Il y a un parti écologique. Français, le Parti vert, puis le Bourgeois, le nez au Québec. Les tendants et l'art et l'extrême du Parti libéral. Bon. L'individu qui veut une société psychologique, est-ce qu'il va se former ça? Bon, me savez, le Parti libéral, ça. Lui, il n'est pas disponible. Il veut quelque chose, il sait quelque chose, il dit quelque chose, puis ben, c'est qu'on lui donne. Tellement parfaite que jamais l'employé pense que ça compte pour lui. Non, je veux savoir, c'est l'autre que l'autre. Quand vous voudrez faire ça, Oui. Vous voulez ça? Oui. Ben, d'abord, ça marche pas, ça marche. Ben, là, le monde se retourne un petit peu. Si ça marche, ça compte les idées comme ça. Ça marche pas, non, ça marche. Mais, avec un contingent de sa similitude à la adolescence. ce qui va engendrer une humanité égoïsée et alignée, qui contiendra chacun une partie luciférienne. Chaque homme sur la planète a une partie luciférienne opposée à d'autres parties. Ça, c'est véritablement inclus. Lorsque l'individu, une fois accompli, c'est-à-dire que lorsque l'homme apparaît, une autre force vient se mélanger au contingent humain qui n'ont pas encore été touchés par les forces luciériennes. Cette énergie, c'est l'énergie, mais quotidienne, suffisamment refroidie, mais en contact avec l'intelligence chaude, donc consciente, et cela va engendrer une deuxième humanité, une humanité qui aura un ego plus pacifique et un ego plus simple. Cela créera donc deux formes d'êtres humains qui auront la faculté génétique de se mélanger, engendrant un contexte de lutte intracérébrale, et finalement, ces parties avec auront ce qu'est leur correspondance, l'une dans un hémisphère du cerveau, l'autre dans l'autre hémisphère du cerveau. Selon les humains, l'un hémisphère, l'hémisphère michaélien, sera plus l'hémisphère du michaélien. Le droit n'est pas nécessairement les côtés cartésiens, mais l'image du cerveau et des personnes. Les domestications cérébrales finalisent l'harmonisation, c'est-à-dire que les deux hémisphères deviennent de même égal, de même puissance égalitaire, de façon exceptionnelle et supposée par assimilation l'une envers l'autre. Les forces luciériennes du cerveau droit devront être mélangées à la même quantité de forces luciériennes dans le cerveau droit, même chose aux autres. Robert Delors existe la mémorisation de la lutte entre ces deux forces. La lutte entre ces deux forces engendre une problématique, engendre un ego plus puissant qui, supporté par l'illusion ou le menton cosmique du débarbé, pense avoir raison et pense devoir accomplir au nom de Dieu tout ça. Vu qu'il n'a pas encore la conscience de décider qu'il croit que Dieu décide et qu'il accomplit ce que Dieu décide, alors qu'en réalité c'est lui qui décide, mais au nom de Dieu. L'armement commence à peser une autre forme et réorganiser à l'échelle de la planète, créée par la guerre intracérébrale, intra-amique et entre les humains. Une force satanique. La force satanique allie l'humain dans un collectivisme intéressant, devra être supportée par une force hautement satanico-démoniaque qui assujettira l'homme à l'attachement matériel, sexuel, énergético-dense. Le corps va naître de la grande prolifération d'évolution sexuelle ou d'entrée par l'homme, ainsi que du grand attachement émotif de l'ego à la matière. Et cette force porte le nom de force animalienne. Lucifer existe en tant qu'entité, car c'est l'ego des forces animaliennes. Animal existe en tant qu'entité, car c'est l'ego des forces animaliennes. On va y revenir dans la troisième partie. Si vous avez des questions ou des commentaires, des témoignages, je vous en prie.